Écouter cette publicité est probablement ce qui pouvait vous arriver de mieux. Pourquoi ? Parce qu'autrement, vous n'auriez jamais entendu que... Chez Fortuneo, vous pouvez profiter de la seule carte Gold Mastercard gratuite. Et vous n'auriez peut-être pas entendu qu'en plus, Fortuneo est aussi la banque la moins chère en 2023. Fortuneo est le banque la moins chère par PriceBank. Gratuité sous réserve d'un paiement par mois. Voir études et autres conditions de l'offre sur fortuneo.fr/radio. Fortuneo, j'aime ma banque. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Il faut parfois mettre les choses à plat. Voici un voyage qui nous conduit de Clermont-l'Hérault à Bibracte, en passant par Vix-la-Vaux, en empruntant bien sûr les voies romaines, un voyage où nous croisons des Gaulois. Coucou, ils sont là. Un voyage avec Dominique Garcia, une déambulation historique. L'archéologie, c'est la science du passé. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Rome triomphait partout. Les légions romaines, sous la conduite de César, ont déferlé sur la Gaule. Tu as la guerre dans le sang, César. Après une longue lutte, les vaillants Gaulois ont été contraints de s'avouer vaincus. Et malgré tout, nous resterons Gaulois. Ah, l'évocation de ces Gaulois. Bonjour Dominique Garcia. Bonjour Xavier. Ils vont bien les Gaulois ? Ils vont bien, bien entendu. J'ai envie de dire, ils vont mieux depuis qu'il y a tout ce travail de l'INRAP qui nous permet de mieux les connaître. On leur a donné une profondeur historique et géographique, quoi, des Gaulois décrits par César et qui étaient inscrits dans notre histoire au sein d'un récit national. Aujourd'hui, on leur a donné près de 1000 ans d'existence. On les a retrouvés sous les bois, sous nos villes, au milieu des ronds-points. Et donc, on a peuplé cette Gaule qu'avait dépeuplé César. Et ce qui permet d'ailleurs de compléter une carte, l'Atlas archéologique de la France que vous co-dirigez, Dominique Garcia, c'est un pari. Mais alors pour les Gaulois, oui, on peut dire que l'ensemble du territoire est couvert. Là, il n'y a pas de blanc sur la carte. Oui, bien entendu, on les a partout, même si... Tous les Gaulois n'étaient pas dans l'Hexagone. Il y en avait en Suisse, il y en avait en Belgique, il y en avait dans le nord de l'Italie. Mais on a essayé, nous, de prendre l'espace national, l'Hexagone et les Outre-mer, comme un laboratoire, un terrain dans lequel on voyait les différentes strates du peuplement et leur liaison avec d'autres espaces plus internationaux. Nous parlons de l'INRAP, dont vous êtes le président, Dominique Garcia. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Alors, c'est un établissement public qui réalise des fouilles archéologiques en préalable aux travaux d'aménagement. Ce sont les archéologues que l'on voit à l'emplacement des zacs, des futurs zacs, des futures maisons, des futures carrières, et qui essaient de sauver le patrimoine avant que l'on aménage. En fin de compte, selon une loi qui a été promulguée en 2001 et qui essaie de concilier deux actions fortes de l'État, l'aménagement du territoire et puis la connaissance du passé. Donc on essaie comme ça de tracer ce cercle vertueux. Plus on aménage notre pays, plus on construit du patrimoine de demain, plus on en connaît plus sur nos origines et sur le peuplement. Voilà, nous fouillons, c'est votre histoire, mais c'est ça hein, vraiment. Exactement. L'idée d'être au plus près des gens, c'est le slogan de l'INRAP. Particularité française, un organisme. Alors tel que la loi est une particularité française, et puis ça va plus loin que l'établissement public particularité française. C'est une conception du patrimoine. Dans de nombreux autres pays, le patrimoine est sanctuarisé, comme aujourd'hui notre patrimoine officiel, celui qui est monument historique, qui est classé à l'UNESCO. En France, on a dit qu'un bon patrimoine, c'était pas celui qui était sanctuarisé, celui qui était fossilisé, mais celui qui était utilisé, celui qui donnait de la matière aux historiens. Et donc, on fouille des sites qui, bien souvent, n'existeront plus une fois que les archéologues seront passés, mais par contre, leur histoire, elle sera connue, les archives seront rassemblées, et ce qu'on propose dans l'Atlas, c'est justement de faire surface à toute cette documentation qui aujourd'hui n'est plus visible dans les paysages, pour redonner une histoire profonde de notre passé. Avec, dans cet atlas, le choix de restituer ou de reconstituer, pour utiliser un autre mot, certaines scènes, certains sites. Et ça, c'est très efficace, hein, parce que ce n'est pas tout d'avoir ici des traces plus sombres pour évoquer qu'il y avait un poteau de bois, et puis de voir un dessin qui nous montre comment était l'habitat. Il fallait présenter de nouvelles images face à des images qui étaient ancrées depuis longtemps. Parce que si on interroge le passant dans la rue sur l'archéologie, vous citera la villa romaine, le dolmen, la petite chapelle. Mais en fin de compte, tout l'espace était peuplé. Et donc, on donne des cartes qui montrent la densité de l'occupation de l'origine du peuplement de notre pays jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et on donne également des restitutions pour qu'on arrive comme ça à visualiser un peu mieux la vie quotidienne des populations passées. Ah oui, puis c'est bien, hein, parce que moi, je vous assure que ça m'a permis de comprendre des choses. C'est toujours la limite des fouilles que l'on visite, ou en tout cas des espaces qui sont vraiment endommagés par le temps, même si ils ont beaucoup à nous apporter. La médiation est importante pour les comprendre. Bien entendu, parce qu'effectivement, la ruine, il y a un aspect romantique, agréable, comme ça, qui rythme un petit peu l'espace. Mais l'archéologie, c'est pas uniquement l'étude des ruines, c'est l'étude de l'ensemble des vestiges archéologiques. Et donc, on a recueilli des pollens, on a recueilli des ossements d'animaux, on a recueilli de la céramique qui permet de raconter une histoire plus large, celle de la vie économique, de la vie sociale, de la vie culturelle. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, déambulation archéologique avec Dominique Garcia, historien, archéologue, président de l'INRAP. Et pour commencer, je vous propose quelques ruines. Voilà ce qui reste de ce qui était autrefois celle, le village. Depuis que les gens sont partis, des gens sont venus piller, et voilà, il ne reste plus que des ruines. Là, on arrive à la maison du riche. D'ailleurs, vous voyez les colonnades, vous voyez les pierres qui sont taillées. Ça a abrité là pas mal de personnel, parce que c'était une propriété qui était assez importante. Ma foi, là aussi... Ceux-là aussi, ils ont été obligés de partir. Eux, ils ont été expropriés, voyez-vous. Ici, cet emplacement, dont vous voyez encore le soubassement, là, c'était un four communal. Et alors, bien entendu, nous, on ne faisait pas le pain. Nous avions un boulanger qui nous le portait de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Mais en été, on y faisait la lessive. Mais en été... Quand on allumait le four, suivant la famille qui allumait, si c'était par exemple ma patronne qui allumait là, elle appelait « Oh Marie, j'allume le four, tu viendras faire cuire quelque chose !» Peut-être la semaine d'après, c'était là, alors là, Marie de Marcel, elle allumait « Ah, où l'isette ? Venez faire cuire des tomates, ça y allume le four !» Vous voyez, tout ça, ça se passait en famille, quoi. En 1982, dans les actualités régionales, était présenté le gardien du village perdu du lac du Salagou. Avec ce village de Selles, où nous trouvons-nous, Dominique Garcia? Je ne connaissais pas cette archive, et j'en tremble un petit peu, pardon. On se retrouve dans le centre du département de l'Hérault, donc à l'emplacement où aujourd'hui se trouve un grand lac, le lac du Salagou, qui passe pour un espace naturel. Or, il a été construit il y a un peu plus de 50 ans, un tout petit ruisseau pour essayer d'atténuer les crues de ces fleuves, de ces rivières. On en parle souvent de ces fameuses pluies cévenoles. On a construit ce barrage, et puis effectivement, certaines fermes, certains villages ont été noyés, et on a reconstruit notre paysage. Au-delà de l'émotion particulière, parce qu'effectivement, c'est un endroit que je connaissais et dans lequel j'ai vécu pendant longtemps, et que j'ai étudié aussi par rapport au site archéologique que l'on retrouve dans tout ce secteur. Ça montre comment justement nos paysages sont profondément modifiés au-delà des voies, des accents, des rapports à la vie quotidienne que l'on entend dans cette archive. Par définition, l'ensemble de notre territoire est construit et modifié. Ce qu'on prend aujourd'hui comme un espace naturel, justement le Salagou, je crois actuellement, est classé grand site naturel de France, est en fin de compte totalement d'artificiel. Et ce que permet de retrouver l'archéologie sur le temps long, c'est montrer que nos paysages sont des constructions. Le mot paysage vient du mot pays, c'est ce qu'on voit dans un seul lieu. Le mot pays lui-même vient de pagus. Pagus, c'est l'espace gaulois. Et là, on est dans le pagus des luttes Butévanie, l'espace gaulois de cette petite peuplade du nord du département de l'Hérault. Et donc tout ça a été construit. À un moment donné, ces paysages ont été aménagés, ce que l'on parle. Et si on était ailleurs, ça serait la même chose. Sous la forêt du Morvan à Bibracte, on a une ville. Et l'ensemble de ce qu'aujourd'hui on évoque comme étant des espaces naturels sont des espaces qui ont été construits depuis le début du Néolithique. Avec ce lac du Salagou qui a été édifié, qui a été créé par ce barrage en 1969. Vous aviez 7 ans, Dominique Garcia. Vous, c'est le village juste à côté, hein, c'est Clermont-l'Hérault. Le gamin que vous étiez, c'est très drôle d'entendre ce dernier gardien qui fait lui-même œuvre d'archéologue en se souvenant qu'ici se trouvait un four. Le gamin que vous étiez était déjà un peu archéologue dans l'âme? Oui, quand on est gamin, j'ai l'impression, qu'on est tous archéologues. On est là, justement, au bord du Salagou, qui était à l'époque un ruisseau, et puis on voit une pierre qui a une autre couleur, on la prend, on la frotte, on la met dans la poche, et puis le soir, la maman, quand elle range le linge, elle trouve la pierre, elle la pose sur le rebord de la cheminée, ou elle la jette à la poubelle. On est tous archéologues. Et le problème, c'est que certains le restent, et moi je le suis, et moi je le suis resté. Vous l'êtes resté, et puis alors, resté par votre champ d'études qui concerne cette région particulière, qui est une frontière sans en être vraiment une, mais la notion de frontière ne veut pas dire grand-chose, hein. Ce sont plutôt ces zones de contact. On se trouve où dans l'Hérault, mais alors l'Hérault de l'Antiquité. On a toujours tendance à imaginer que l'endroit où on est né, où on a travaillé, est un endroit un petit peu original et a des spécificités qui méritent d'être valorisées. Alors c'est le cas de la vallée de l'Hérault, dont les textes anciens nous disent qu'elle séparait deux grands peuples, d'un côté les Ibères et de l'autre côté les Ligures. Et donc moi, dans le cadre de ma thèse, j'avais essayé d'étudier justement ce qu'était une frontière dans l'Antiquité, et j'avais au départ, j'étais parti de ce texte, justement, et on sait que les textes sont partiels et partiaux. Qui disait que l'Hérault était une frontière? Et ma thèse a montré que non, c'était pas une frontière, c'était une voie de communication. C'était un espace que l'on empruntait, qui permettait de circuler du littoral, où se trouve une des rares villes grecques, Agde, et qui permettait justement de diffuser les produits méditerranéens vers l'arrière-pays, et inversement, de prendre les matières premières de l'arrière-pays, dans cette région, notamment dans le secteur du Salagou. Il y a des ressources en cuivre, et ces ressources, elles, venaient alimenter le commerce méditerranéen. Plus largement, par rapport à l'exemple que vous donnez, pour m'éloigner de ma propre histoire, l'intérêt, c'est de montrer que justement, quand on fait de l'archéologie, on regarde d'abord ce qui est à ses pieds, quand on a un petit enfant. Ensuite, on lève les yeux, et là, à ce moment-là, c'est un paysage que l'on voit, ce que l'on perçoit, et on essaie de trouver des repères dans ce paysage, et puis après, on va un peu plus loin. On dépasse l'horizon, on va voir ailleurs. Quand on sait que, justement, l'endroit où on a trouvé les vestiges, il y a un lien avec les Grecs d'Agde, il y a un lien avec les Latins, avec les Romains de Nîmes et de Béziers, à ce moment-là, on y va, et on va voir un peu plus loin. Et c'est intéressant, voilà, on a le pied d'un côté, le pied de l'autre, et ça nous pousse à aller plus loin. Le Salagou, juste à côté, une petite rivière qui s'appelle la Boyne. Et la Boyne en gaulois, c'était Bodena, la frontière, elle séparait deux tribus gauloises. Et donc, quand on se dit, tiens, ce petit ruisseau que je fréquente, que je connais, c'était à un moment donné quelque chose qui avait un rôle géopolitique, on essaie de voir quelles étaient les forces en présence. Et bien entendu, en analysant ça, on va un peu plus loin, on élargit son champ de connaissances et on essaie d'explorer d'autres horizons. C'est le paradoxe de l'archéologie qui est implanter un endroit précis pour le chantier qui a lieu là, mais quand on lit l'Atlas archéologique de la France, Dominique Garcia, on se rend compte qu'il faut toujours partir, aller ailleurs. Les échanges, et dans les premiers chapitres, c'est là où c'est le plus troublant, parce que ces premiers chapitres concernent la préhistoire, la proto-histoire. On voit les échanges de manière très simple, hein. Regardez la circulation du jade, du silex, mais on se dit, mais ça circulait de tous les côtés. Alors ça, c'est intéressant parce que tout le monde réagit de cette façon, donc ça montre que là aussi c'est naturel, en disant les gens bougeaient. Aujourd'hui, quand on fait 50 mètres en ville, ou du moins pour le provincial que je suis, on sort son GPS, mais non, depuis l'origine des temps, les gens ont bougé et connaissaient ces espaces-là. Le premier habitant du territoire national était un migrant qui venait d'Afrique, ensuite d'autres populations sont venues du Proche-Orient, au Néolithique, et entre-temps il y a eu d'autres mouvements, ensuite on a parlé de ces Grecs qui viennent de fossés, donc d'Asie. On verra ensuite les Romains. Donc ce peuplement, enfin tout notre pays est fait de strates successives de migrants qui chaque fois ont laissé des traces, et c'est les traces qui révèlent l'archéologie. Pendant longtemps, on a dit, c'est une idée qui aujourd'hui est repoussée, que c'était les paysages qui constituaient les hommes. Non, c'est les hommes qui ont constitué les paysages, et eux viennent partout, et donc le livre le présente, la carte sur la distribution des matières premières durant la préhistoire, avec ces grandes flèches, on voit effectivement les haches en jade du 4e millénaire qui sont distribuées jusqu'en Bretagne. On connaissait les objets, on connaissait leur valeur, les circuits de circulation existaient. Et ça, on arrive aujourd'hui à bien le suivre de manière claire. Quand on redessine ces cartes, on a des choses qui sont évidentes et qui, du coup, nous interrogent sur le fait qu'aujourd'hui, on peut être étonné de ça, de ces peuplements aussi lointains. Vous citez, ça sera la dernière référence à mon propre parcours, la vallée de l'Hérault. Voilà, mon grand-père, moi, il est parti de Murcia à pied et puis il est arrivé dans cette vallée de l'Hérault. Il a fait 1000 kilomètres. Il était pas majeur, si on prend l'âge de... Et ils ont voyagé de cette manière-là. On a suivi le littoral, on arrive à l'embouchure d'un fleuve, on le remonte, on évite le premier affluent, on prend le second, et à un moment donné, on s'installe là parce que d'autres, avant, se sont installés. Ce qu'il a fait, lui, au début du XXe siècle, d'autres le faisaient depuis des millénaires, il n'y avait rien d'original, et on avait cette géographie-là. Et l'Atlas, de manière plus large, permet de voir que tous ces tracés qui sont pas les mêmes, qui ont pas les mêmes raisons, parce qu'une fois des gens iront peupler telle région parce qu'il y a eu la guerre de 14, une fois on ira peupler telle région parce qu'il y a telle matière première, et donc on essaie de restituer comme ça les documents, les preuves, les archives, c'est ce qui est pointé sur les cartes, mais également les mouvements qui les ont amenés là, et ensuite les incidences de cette présence, parce qu'une personne qui est dans un lieu construit des paysages, construit de la culture, et à ce moment-là, modifie l'espace dans lequel il est appelé à vivre. Dominique Garcia, vous venez d'évoquer le parcours de votre grand-père, mais il y a de ça aussi dans l'archéologie, c'est au-delà de cette science dont il faut respecter les règles, il y a aussi le bon sens, il faut simplement mettre aussi énormément d'humain dans la démarche de l'archéologue pour comprendre pourquoi. Pourquoi il y a ça ici? Ben forcément, je crois que si on est sensible au paysage, si on est sensible aux objets, c'est forcément quelque chose d'humain. C'est l'objet qui constitue l'homme, c'est cette volonté de faire société qui constitue l'homme. Donc l'archéologie n'est rien d'autre qu'une science humaine. Et si on arrive à intéresser le reste de la population, c'est bien parce que justement on manipule de l'humain, c'est notre force. Mais aujourd'hui, il faut y aller avec un peu plus d'élan pour justement repousser d'autres idées. Vous voyez, tout ce qu'on parle de mouvement, alors que bien souvent on associe l'archéologie aux racines. Comme si les hommes étaient implantés là, comme s'ils étaient nés d'un terroir, comme s'ils étaient étymologiquement des autochtones. Et donc, pendant longtemps, les données patrimoniales ont été associées à cet homme, à ces fameuses racines, et donc pour lequel on recherchait quelque chose de beaucoup plus bas. Or, voilà, aucun humain n'a de racines, mais au contraire, bouge, aménage, construit, participe, parfois en conflit, à ces espaces, produits de la culture, c'est la spécificité de l'humain, et c'est ce que rappelle plus que tout autre l'archéologie, par l'abondance de ses archives. Oui, et puis l'abondance permet, réunie, de construire cette cartographie. Là aussi, c'est très parlant de voir la cartographie. Nous avons évoqué ces objets en jade. Jade, c'est plutôt du côté des Alpes. Des Alpes, exactement. Et ça s'en va aller jusqu'en Bretagne. Alors ça, c'était les objets les plus prestigieux, c'était l'objet de luxe, mais on a également beaucoup de silex. Enfin, il y avait du commerce, des productions de proximité, et puis des objets qui faisaient l'occasion de commerce à plus grande échelle. Et puis, ces objets en jade arrivent en Bretagne, repartent pour certains en Espagne, et puis reviennent. C'est cette circulation qui est fascinante, et tout cela sans carte. Quoique. C'est vrai que c'est une représentation d'un territoire tel que nos collègues bretons les retrouvent maintenant, et que cette matérialisation sur le support et ensuite l'intégration dans le monument, un monument prestigieux de cet élément de contrôle spatial, c'est une très belle image. Il reste une incertitude sur la datation. Elle pourrait être plus ancienne Et dans ce cas-là, ce sera encore plus remarquable, parce que ce sera une carte encore plus ancienne que celle-ci qu'on attribue à l'âge du bronze. Mais l'idée que l'on ait une représentation figurée, en quelque sorte, de l'espace, c'est effectivement une découverte de taille. À représentation figurée de l'espace, c'est Claude Mordant qui s'exprimait sur France Culture dans la sublime émission Carbone 14, à retrouver en podcast ou sur l'appli Radio France. Claude Morand, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Bourgogne, qui nous présente la dalle de Saint-Bélec. Alors, de quoi s'agit-il, Dominique Garcia ? Alors, cette dalle, elle a une belle histoire. Elle a été retrouvée, elle a été fouillée à la fin du 19e siècle. Elle a été ensuite transportée au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et cette grande dalle en pierre, où, sur laquelle on voyait des tracés, des points, ont été interprétés comme des figurations, comme ça, un petit peu... difficile à lire de périodes anciennes de l'âge du bronze. Et puis récemment, des collègues dont Yvan Paillet ont repris l'interprétation de cette dalle, l'ont resituée à l'endroit où ils l'ont découvert, et puis se sont aperçus que sur cette dalle étaient représentés en fin de compte les paysages autour de l'endroit où elle avait été retrouvée, et qu'on avait comme ça un petit morceau de Bretagne représenté sur cette dalle. Alors il y avait à la fois le scoop de pouvoir lire la dalle, le travail de qualité qui a été fait par mes collègues de l'Université de Bretagne occidentale, mais également de montrer que on lisait ces paysages. C'est des choses, on a là, et c'est la force de l'archéologie, une preuve tangible. En fin de compte, c'est quelque chose qui a dû toujours exister. Dès qu'on a eu des populations sédentaires, dès qu'on a eu des agriculteurs, un champ avait forcément une limite, les parcours des troupeaux avaient des limites, les ressources en eau, on voit aujourd'hui le poids qu'elles peuvent avoir, étaient sans doute maîtrisées. Donc, habiter un espace, c'est faire valoriser des terroirs, mais c'est aussi avoir un territoire, c'est-à-dire quelque chose qui est dominé politiquement. Et donc là, on a la représentation d'un espace qui était dominé politiquement, mais je pense que ça devait être à peu près partout de cette manière. Ah oui, ça fait comme un regard étonnant entre cette dalle de Saint-Bélec, carte de l'âge du bronze et l'atlas archéologique de la France. C'est cette réponse continue, c'était dur à constituer cet atlas. Parce que en soi, on se dit, oh bah ça va, il y a qu'à mettre les sites archéologiques au bon endroit et puis on a nos cartes. Non, ça a été... Alors... Peut-être qu'il y a 3 ans, quand on a lancé l'idée, on avait ça en tête. On a dit, tiens, l'INRAP vient de fêter ses 20 ans, on a dans nos réserves 50 000 sites archéologiques, 50 000 petits points, mettons-les par période et comme ça on arrivera à avoir quelque chose. En fin de compte, on avait quelque chose d'aussi lisible que les traces de plomb sur un panneau routier en Corse. On avait des petits points, et qu'est-ce qu'on pouvait en dire ? Rien du tout. En fin de compte, on a trié. On a trié par période, on a trié par thème, et puis on a trouvé une cartographe, Aurélie Boissière, qui a su donner justement une petite, à la fois de l'élégance et de la précision, pour que ces cartes soient lisibles. Ça a été dit par d'autres, l'accumulation de la connaissance ne fait pas la connaissance, et donc il a fallu passer au tamis, un travail d'archéologue, l'ensemble de nos sites, y réinsérer les sites patrimoniaux, ceux qui n'avaient pas été fouillés par l'archéologie préventive, se beaucoup documenter des fouilles programmées de nos collègues du CNRS, de l'université, des collectivités, pour essayer de mettre en perspective ce patrimoine, cette histoire profonde, la donner à voir, mettre au jour, comme disent les archéologues, ce patrimoine archéologique français. Atlas archéologique de la France, sous votre direction, Dominique Garcia, et celle de Marc Bouiron, vous venez d'évoquer les autres acteurs de l'archéologie en France. Il y en a plein d'autres, que ce soit à l'échelle des municipalités, des départements, c'est tout un réseau d'archéologues. Bien entendu, il y a des archéologues dans le service public, le CNRS, l'université, la culture, dans les collectivités, il y a même des officines privées, il y a un patrimoine qui est en place depuis longtemps et qui n'a été découvert par personne, sinon construit par des populations anciennes. Et cet atlas, c'est réellement un atlas du patrimoine français, c'est-à-dire qu'on a là moissonné l'ensemble de la documentation. Ce ne sont pas les données de l'INRAP, plus que d'autres, c'est l'ensemble des données archéologiques qui sont mises en lumière. Avec le temps très très long là, parce qu'on va jusqu'à aujourd'hui et on remonte loin dans le passé en croisant l'âge du bronze, mais pour pouvoir faire l'âge du bronze, il nous faut un peu de cuivre. Cabrières, sous les vignes, un véritable gruyère. des dizaines de mines percées dans les quatre collines qui couronnent ce petit village de l'Hérault. La plupart d'entre elles, comme ici, celle du Pioche-Farus, étaient déjà exploitées voilà 5000 ans. Au départ, ces puits, ces boyaux, ces galeries ont été creusés à la main par les peuplades du Chalcolithique. Leur seul outil, des marteaux, des maillets de pierre dure. Ces paysans forgerons de la fin du Néolithique viendront travailler régulièrement sur ce site pendant un millier d'années. Mais c'est surtout à l'époque romaine, dès la fin de la guerre des Gaules, que l'exploitation de ces filons de cuivre de Cabrières connaîtra son apogée. Oui, en fait, les Romains ont amené ici probablement une armada d'esclaves et leur ont fait creuser des galeries dans tous les sens et ont creusé entièrement la montagne. Gaius et Aurelius, deux propriétaires ou exploitants au 1er siècle avant Jésus-Christ, ont d'ailleurs laissé leur nom sur certaines galeries. Cette présence romaine durera environ 150 ans. Le cuivre était surtout destiné à l'industrie du bronze, alors florissante. Nous étions dans le journal Montpellier qui présentait en 1999 les mines de cuivre de Cabrières. Bah, on reste dans l'Hérault, Dominique Garcia. Oui, merci. Là aussi, une archive que je ne connaissais pas. Cabrières, donc, c'est juste à côté du Salagou. Il y a des filons de cuivre dans de la baritine, une roche blanche. Donc, les filons de cuivre sont assez visibles dans cette roche-là. Et c'est peut-être ce qui fait qu'on a là les mines de cuivre les plus anciennes exploitées en France. C'est pas forcément, c'était pas du cuivre natif, c'était pas le plus facile à extraire. Par contre, c'était le plus visible. Et ce qui était important à l'époque, c'était de repérer le lieu. Alors, la fouille avait été menée notamment au 19e siècle par Gaston Vasseur, reprise par un archéologue, Paul Ambert, qui avait exploité ces données. Et c'est aujourd'hui, sur le territoire national, l'endroit où l'exploitation du métal et la plus ancienne. Donc c'est un lieu qui est extrêmement important et qui est illustré d'ailleurs dans l'Atlas. Ce qui est important, c'est qu'avec la maîtrise du cuivre, donc la première métallurgie, on va rentrer là dans un nouveau monde. On a parlé des premiers migrants, on a parlé du néolithique, l'appropriation des terroirs, et donc des gens qui s'implantent sur une terre et qui en retirent des ressources agricoles ou pastorales. Avec les mines, on va rentrer dans une période de friction. Avoir les mines, c'est le nerf de la guerre, c'est pour avoir permet d'avoir des outils plus performants, des armes plus performantes. Donc il va y avoir des enjeux qui cette fois-ci vont être dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Et d'ailleurs, les premières exploitations de cuivre à Cabrières n'ont pas été faites par des locaux, ceux qui habitaient là, mais bien par des gens qui sont venus d'ailleurs, notamment justement du sud de l'Espagne, presque de l'endroit dont je situais tout à l'heure, et qui ont effectivement des gens qui ont connaissait la métallurgie, qu'il l'avait maîtrisée en Espagne, et qui ensuite recherchait ailleurs des secteurs à explorer. Donc l'endroit a été retrouvé, a été étudié par Paul Ambert, il a retrouvé des objets qui étaient, eux, d'origine espagnole, il a montré que ces premiers explorateurs, les gens qui étaient venus là, avaient mis à profit leur expérience acquise ailleurs pour extraire ce métal, et donc, tout à l'heure, je parlais de géopolitique. Dès qu'on va avoir du métal, ça va modifier les forces en présence, ça va remettre en place de nouveaux réseaux, de nouveaux circuits de distribution qui n'étaient pas les mêmes que ce que nous avions en néolithique. Et puis à côté du cuivre, il faut de l'étain. Pour le bronze, l'étain, c'est bien, mais alors l'étain, il faut aller le chercher. Souvent, c'est très au nord. Alors, on est là dans une étape postérieure, qui est celle après le cuivre du bronze, et du bronze qui deviendra un métal extrêmement important pour les cités méditerranéennes, pour les Phéniciens, pour les Étrusques, pour les Grecs, qui effectivement arrivent à s'approvisionner en cuivre assez facilement, mais pour faire du bronze, il leur faut 10, 15, 20% d'étain, et cet étain est quasiment absent dans le monde méditerranéen. En revanche, il y a des sources en étain extrêmement importante dans les îles britanniques, en Bretagne, et on va voir se mettre en place un grand commerce entre le nord et le sud qui va mettre en liaison les populations continentales, celles de ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le nord de la France, et celles de la Méditerranée. Et émerger quelque chose que je trouve extraordinaire dans l'histoire de nos sociétés, des étains émergents qui vont permettre la connexion entre ces deux mondes. Celui des populations du nord de l'Europe qui produisent de l'ambre, qui produisent également de l'étain, qui ont des esclaves à donner, qui ont du blé, et celles de la Méditerranée qui produisent des vases de qualité, qui produisent surtout du vin, et on va avoir ces deux espaces. Tout à l'heure, nous évoquions le cas des fleuves qu'il suffisait de suivre pour ensuite voyager et explorer un espace. Or, imaginez ces Méditerranéens, ces Étrusques, ces Grecs. Ils arrivent dans les Bouches-du-Rhône, ils remontent le Rhône, ils remontent la Saône. À un moment donné, ils sont perdus. Et inversement, imaginons cet Étain qui remonte la Seine. Et quand il arrive aux sources de la Seine, ils sont perdus. Et c'est juste dans ce petit espace qu'on appelle l'interfluve, entre la Loire, la Seine, le Rhin, le Danube, la Saône, que vont se développer au 7e jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce que l'on appelle les principautés celtiques, c'est-à-dire des cités-états, à l'échelle euro-méditerranéenne, qui vont gérer les échanges entre la Méditerranée et le Nord. C'est, pour donner des noms de sites que l'on a tous en tête, Vix, à Châtillon-sur-Seine, ou Lavaux, et donc des lieux qui vont comme ça servir à relier la Méditerranée au nord de l'Europe. Vix et Lavaux. 1952, découverte de la tombe de la princesse de Vix et de son célèbre vase. En 2015, à Lavaux, dans l'Aube, les archéologues mettent au jour la tombe du prince de Lavaux. Dans les deux cas, il s'agit de découvertes majeures qui apportent énormément d'informations sur la civilisation celte, 5 siècles avant notre ère. Mais à 63 ans d'intervalle, les deux fouilles ont été menées de manière très différente. Sur les photos de Vix, nous voyons des hommes en bottes directement sur le substrat, autour du vase, avec un équipement un petit peu lourd et massif. Alors qu'à Lavaux, nous voyons une nacelle qui permet aux archéologues de fouiller la tombe sans fouler le sol de cette tombe. Ils sont armés de pinceaux, de gants, parfois même de masques sur le visage. Les fouilles de Vix et Lavaux dessinent le portrait d'une aristocratie celte imprégnée de culture méditerranéenne, comme en témoignent les amphores grecques et étrusques. En 2016, la présentation de ces tombes Vix et Lavaux, c'était sur FR3, enfin France 3, 2016. Dites-nous Dominique Garcia, là on est, Dominique Garcia c'est de la vedette ici avec Vix, faut le dire, hein, ça a été vraiment la découverte mise en avant, parce qu'on en a besoin aussi, ça nous rassure peut-être sur le passé. Alors ça nous rassure sur le passé, ça nous montre aussi qu'on est capable de renouveler nos archives, ça rend modeste. On n'avait pas trop compris à un moment donné Vix, parce qu'à Vix, dans cette tombe magnifique qu'on peut voir au musée de Châtillon-sur-Seine. Il y a cette princesse allongée sur son char, les archéologues disent char, on pourrait dire corbillard, et avec un torque autour du cou, et à côté d'elle, ce grand vase, près d'1,80 m de haut, en bronze, le plus grand vase grec qui a été produit dans l'Antiquité, a été trouvé près de la Seine, à Châtillon. On se dit, tiens, qu'est-ce que c'est cette aberration? Dans cette tombe, on a également de la céramique grecque, à côté on a le Mont Lassois, cette cité fouillée par mon collègue Bruno Chaume, dans lequel on voit des remparts de type grec, une grande maison. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ce morceau de Méditerranée dans ce secteur de Bourgogne? Et puis, quelques décennies plus tard, donc à Lavaux, près de Troyes, on refouille une tombe, Bastien Dubuis de l'INRAP fouille une tombe très proche, on est à 50 km de Vix, et on a une tombe de la même qualité, qu'on fouille différemment, on va dire un peu mieux, avec beaucoup de documents, et là aussi on retrouve, cette fois-ci c'est pas une princesse, c'est un prince, un torque, donc un collier rigide autour, en or massif autour du cou, de la céramique grecque de qualité, un cas unique, même une nokoé grecque qui a été transformée en y rajoutant de l'or, donc là aussi on sent la puissance, on sent beaucoup d'argent, et puis du coup on relie les différents éléments, on reconstitue le puzzle, on est là dans le même secteur, on est à Troyes, les habitants de Troyes à la période gauloise s'appelaient les Tricasses. Tri en gaulois, ça veut dire qui fait traverser. Casse, c'est la cassitérite, c'est l'étain. Donc les gens de Troyes étaient dans la période gauloise les gens qui avaient la capacité à transporter, à faire passer l'étain. Or, dans la région de Troyes, il n'y a pas d'étain. Et donc, on avait le nom pour lequel on n'avait jamais jusqu'à présent donné ce type de signification, les Tricasses, les gens de Troyes, on avait les tombes avec cette richesse, et on avait les documents matériels, parce qu'on a analysé le grand chaudron de Lavaux, on a pu faire des analyses à l'intérieur, on a vu que c'était du vin rouge qui venait de la Méditerranée, la céramique attique, elle venait d'Athènes, il y avait peut-être des choses qui venaient de la mer Noire, et donc on a établi comme ça le petit relais entre le nord et le sud, et on commence à réécrire une histoire. Et c'est le côté passionnant de ces archives du sol, c'est quand elles sont en perpétuel enrichissement. Chaque site archéologique est une nouvelle bibliothèque qu'on ouvre, et ensuite l'archéologue est capable d'écrire une histoire nouvelle ou complémentaire, profonde, de ces périodes pour lesquelles, pour le moment, on plaçait, mettons, Vix sur les cartes des manuels comme étant en bordure d'un cercle, une zone périphérique. Or non, ces sites-là ne sont pas périphériques, ils sont centraux dans un grand commerce euro-méditerranéen. Ah ben l'Atlas archéologique de la France, je vous le dis, Dominique Garcia, moi je l'ai lu vraiment presque comme une histoire de notre France, mais sur un temps très long. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est notre histoire avec ses biais différents, parce que c'est celui de l'archéologie, et toujours une réflexion sur ce que signifie le territoire national. Bien sûr, il y a le territoire d'aujourd'hui tel qu'il est, avec, vu que c'est la cartographie, les sites à placer sur ce territoire-là. Mais on voit aussi l'évolution et la signification même de ce que peut être la France. Alors bien entendu, et puis dans cette vision, même si on prononce effectivement souvent le terme de France parce qu'il a du sens, et ensuite parce que c'est notre terrain d'étude, chaque fois on a repris une focale beaucoup plus large. C'est-à-dire, on ne peut comprendre, bien entendu, ce qu'on appelle les Gallo-Romains et les cités romaines en Gaule que si on analyse dans un espace plus large qui est celui de l'Empire romain, des ambitions romaines, de la recherche des ressources, des limites qui sont tracées. Et donc pour chaque période, du début de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine, où même on ose une archéologie des espaces lunaires, on essaie de voir comment cette archéologie locale, ces découvertes site par site, peuvent s'insérer dans une réflexion plus large. C'est un espace ouvert, sans oublier aussi les territoires ultramarins, que l'on a traité non pas comme les miettes d'un empire colonial, mais comme un endroit qui peut éclairer l'histoire de ces régions, l'océan Indien, les Caraïbes ou l'Amérique. Ah ben ça c'est très important hein, dans l'Atlas archéologique de la France, tous ces territoires qui sont hors de l'Europe, mais en lien constant avec l'Europe, là où l'archéologie nous apprend beaucoup, parce que sinon ce serait muet et invisibilisé. Intitulé « Raconte-moi l'archéologie », ces journées nationales permettent de donner au public un aperçu du métier d'archéologue. À travers cet atelier poterie, les enfants vont découvrir et apprendre à réaliser une poterie avec de l'argile ou de la terre rouge. Mais plus largement, c'est aussi présenter la culture amérindienne. C'est de l'argile, on retrouve dans la forêt et tout, donc les Amérindiens se sont tout le temps servis de cette matière-là. Donc c'est important que les enfants puissent apprendre comment ce que les Amérindiens vivaient à l'époque. Un peu plus loin, toujours au camp de la transportation, dans l'ancienne laverie, un atelier de fouilles a été reconstitué. Ici, c'est un peu un apprentissage au métier d'archéologue. Dans ce carré de fouilles, à l'aide de différents matériels, les élèves vont rechercher des tessons de poterie dissimulés dans le sable. Ils effectueront les différentes étapes d'une fouille archéologique. La fouille, la récupération de l'objet trouvé, le traitement de cet objet et sa classification. La démarche, c'est la découverte du métier d'archéologue. Lancement des Journées Nationales d'Archéologie à Saint-Laurent-du-Maroni. Ici, nous sommes sur RFO, c'était en 2013. Dominique Garcia, très important aussi, et on l'entend hein, auprès des plus jeunes, cette histoire racontée par l'archéologie. Pour moi, c'est essentiel. Déjà, les Journées Européennes de l'Archéologie, que l'on met en œuvre pour le compte du ministère de la Culture, partout, c'est le troisième week-end du mois de juin. Et ensuite, ce rapport direct, c'est, l'inconvénient et la facilité de l'archéologie. Un enfant qui verra un tesson, qui verra un mur, qui verra un squelette, il comprendra comme vous, le grand savant verra au même moment que l'enfant l'os, la pierre, le tesson. Et donc, il me semble qu'on peut utiliser ces objets pour essayer de tirer le fil et raconter une histoire. On n'a pas besoin d'apprendre le latin, on n'a pas besoin d'apprendre le grec immédiatement, on n'a pas besoin de lire tous les livres qu'a écrit Xavier Mauduit. On regarde par terre, on regarde les objets et on échange. Et c'est ce qu'on essaie de faire pendant les journées de l'archéologie et plus largement sur l'ensemble de nos chantiers, parce que du coup, les archéologues, ils vont partout sur le territoire, y compris des endroits où il n'y a pas de musée, où il n'y a pas de scène nationale, où il n'y a pas d'endroit où on peut faire de la culture. Les archéologues sont présents et on peut échanger. Pour revenir dans le cas de Saint-Laurent-du-Maroni. En Guyane. En Guyane, on a quelque chose là, comme dans les autres espaces ultramarins, qui me paraît passionnant, c'est que la loi française s'applique. Or, c'est une loi qui, sur l'archéologie préventive, qui produit beaucoup de données dans un environnement où d'autres pays limitrophes font peu d'archéologie. Aujourd'hui, lire l'histoire de la Guyane, c'est lire l'histoire de l'ensemble des plateaux de Guyane, y compris à des endroits où on ne fait pas d'archéologie. Même chose en Martinique ou en Guadeloupe, où on lit une histoire des Caraïbes, et la même chose pour l'océan Indien ou pour d'autres espaces. Donc grâce à cette archéologie nationale, on arrive à éclairer des régions qui dépassent, bien heureusement, les frontières des endroits dans lesquels on travaille. Et pour le cas de la Guyane, on fait une archéologie qui a beaucoup de sens. Un, parce qu'elle permet de découvrir des vestiges antérieurs à la présence des premiers Européens. Donc on redonne de la profondeur, là également, à l'histoire de ces territoires. On le donne même presque en faisant un petit clin d'œil. On a fouillé sous le pas de tir d'Ariane 6 et sous le pas de tir d'Ariane 6 pour ne pas détruire ces vestiges, les archéologues sont intervenus, on a retrouvé des traces précolombiennes. Et donc, vous voyez, on explore l'homme, toujours ce migrant, essaie d'explorer des espaces essaie, en l'occurrence même, d'explorer là l'espace. Et en même temps qu'il essaie d'aller plus loin dans le ciel, on n'en sait plus sur ce passé. Et dernier petit point sur ces espaces, on a tous en tête nos ancêtres les Gaulois. Aujourd'hui, tout ça a été balayé et les livres d'histoire, bien entendu, depuis longtemps sont tout autres. Mais en revanche, l'histoire, la chronologie de ces espaces ultramarins reste à construire. Et depuis quelques années, l'INRAP essaie de mettre en place des chronologies de ces espaces. On construit des frises que l'on édite, que l'on diffuse gratuitement dans les espaces ultramarins, dans lesquels sont présentées des dates, des objets, qui bien entendu sont déconnectés des grandes tranches chronologiques que l'on peut avoir en Europe, ce qui est logique. Et donc du coup, on redonne à la fois de la documentation et un rythme historique qui n'existait pas grâce à l'archéologie. Et j'avais dit que c'était le dernier point, j'en rajouterai un quand même. Un moment où parfois on a tendance à effacer les pages les plus sombres de notre histoire, l'archéologie, dans les travaux d'aménagement dans l'espace ultramarin, permet de retrouver des tombes d'esclaves, permet de retrouver ces fabriques. Bien entendu, on l'a en tête, mais la réalité est tout autre. Quand on fouille à Tromelin et qu'on voit les naufragés, les esclaves dans ces îles éparses, quand on fouille, comme à Villèle actuellement à La Réunion, une usine sucrière, c'est une réalité forte qui vient à notre regard et quelque chose dont on prendre compte. Voilà, on n'est pas dans l'oubli, on n'est pas dans l'effacement, on n'est pas dans la repentance, on est dans la documentation. Cette documentation, on la met au jour, on la livre et ensuite on la place sur une carte au même niveau que d'autres documents et que d'autres périodes. Et cela donne du sens. Ça donne du sens. Alors pour les espaces ultramarins, bien sûr. Et c'est vrai que moi j'ai été troublé par ce site, c'est l'Anse de Belley, c'est la baie de Fort-de-France en Martinique, avec ses corps retrouvés, ben à l'occasion simplement d'une érosion. Hein, le cyclone Dean, c'était en 2007. Et là, on va retrouver des corps d'esclaves. Ils ne disent rien au sens où ils ne portent rien. Il n'y a pas de bijoux, il n'y a rien. Mais ils apportent énormément d'informations. Et là aussi, le paysage a du sens. On ne les trouve pas n'importe où, on les trouve sur la plage. C'est-à-dire, en fin de compte, la plage était le seul espace qui n'était pas exploitable par les maîtres. Ce n'était pas un endroit où on pouvait semer, ce n'est pas un endroit où on pouvait planter, ce n'est pas un endroit où on pouvait cultiver. Donc c'était une terre de peu de prix, et c'est là où on enterrait les esclaves. C'est là aujourd'hui où on étale les serviettes de bain, et c'est là où les archéologues mettent au jour ces documents, les sauvent de la destruction, et rappelle une histoire cruelle, mais qu'il est nécessaire aujourd'hui de là aussi révéler. Oui, et puis ça vaut pour les espaces ultramarins, ça vaut en fait pour tous les espaces. Et on peut se situer, Dominique Garcia, dans une banlieue d'une grande ville, et là aussi, à côté d'une cité où tout paraît neuf, dès que l'archéologue se met à creuser un petit peu, il raconte une longue histoire. Ah ben oui, parce qu'on est aujourd'hui majoritairement des urbains. On pense que la ville a toujours existé. Or, la ville est une expérience dans l'histoire de l'humanité. Voilà, si on dit que l'humanité a 5 ou 6 millions d'années, la ville a 10 000 ans. Dans notre pays, en France, la ville a 2600 ans. Et il y a uniquement une génération où on est majoritaire en ville. Donc la ville est une expérience. Et aujourd'hui, quand on essaie de la rendre durable, verte, etc., etc., on est encore dans l'expérimentation, tout en oubliant que l'humanité a vécu plus de 99% de son temps sans ville, et ça s'était plutôt bien passé. Ça s'était bien passé, et puis ça veut dire aussi que là où il y avait des villes, il y avait autre chose avant, il y avait des champs, il y avait... Dans les deux sens. Sous les villes, on arrive à retrouver aujourd'hui, dans les profondeurs de Notre-Dame, on retrouve des puits gaulois qui servaient sans doute à irriguer ou à alimenter les populations gauloises qui se trouvaient aujourd'hui où est élevé Notre-Dame de Paris. Mais inversement, sous la forêt du Morvan, on retrouve la ville de Bibracte. Sous le à Moulay, en Mayenne, on a retrouvé une ville gauloise qui était totalement inconnue, dont les villes sont aussi des objets durables qui peuvent disparaître des cartes et qui peuvent paraître de notre mémoire. Et que trouve-t-on sous les voies romaines ? Au cours des travaux entrepris actuellement à Autun, dans un chantier de construction d'HLM, des vestiges lapidaires ont été mis à jour. Une portion de chaussée romaine est apparue sous l'appel des terrassiers. La Cardo était la principale voie de communication d'une dizaine de mètres de largeur entre le nord et le sud de la cité qui s'appelait alors Augusto Dunam. Son tracé, connu par les archéologues, passait par deux portes taillées dans le mur d'enceinte, celle d'Arou et celle de Rome. Le service des antiquités historiques de Bourgogne et les animateurs du musée Rollin d'Autun se sont rendus sur place pour déterminer la politique à suivre qui permettra de conserver et de mettre en valeur cette voie romaine exhumée. La voie romaine d'Autun présentée dans FR3 Bourgogne en 1980, Dominique Garcia. Bah oui, sous les voies romaines, il y avait peut-être des voies gauloises. Alors, il y avait des voies gauloises, on l'a vu tout à l'heure. Il y avait des voies, sans doute, dès la préhistoire, des espaces de circulation. Dans l'Atlas, lorsqu'on s'arrête sur la période romaine, et c'est mon collègue Olivier Blin qui en a eu l'idée, pour toutes ces cartes, on a mis les points, on a trié, on a trouvé des thèmes et on a essayé de prendre un petit regard décalé. Le regard décalé, mais qui a du sens, qu'a développé Olivier Blin pour la carte sur la circulation à la période romaine, c'est de mettre à la fois les voies romaines, de mettre en valeur les fleuves et les rivières navigables, de mettre en place les ports sur le littoral, mais aussi les ports à l'intérieur de terre, de rajouter les ponts. Et donc se dessine une carte très dense, mais qui est tout autre que les fameuses voies classiques romaines reliant Rome, tous les chemins mènent à Rome. Là, on a quelque chose de beaucoup plus dense. On voit, bien entendu, des grands espaces reliant Narbonne à Bordeaux. On voit la grande route d'Autun dont on parlait tout à l'heure. Mais aussi toute cette circulation intermédiaire dans laquelle les fleuves, les rivières jouent un rôle. Et puis, en replaçant les ports et donc les centres économiques, on redonne du sens à ces cartes. Ce n'est pas qu'un réseau. C'est un réseau qui était fait pour alimenter des activités commerciales, qui était fait aussi pour administrer. Et donc, il serait trop simple de dire on a circulé tout le temps, depuis toujours, dans tous les sens. À chaque période, on a circulé pour des raisons différentes. À chaque période, on a structuré le pays de manière différente. Et à la période romaine, on voit, grâce à ces documents, comment il a été structuré. Et puis, le fleuve, c'est bien plus pratique qu'une route pour transporter des choses lourdes. Mais le fleuve, en soi, ça ne laisse pas de traces, le transport ne laisse pas de traces, mais il y a les ports. Alors il y a les ports, les fleuves, Pascal l'a dit, c'est des chemins qui mènent où on veut aller. Il y a dans les pensées, il y a cette petite phrase que j'avais notée, ces fleuves, voilà, sont des routes qui marchent et qui mènent où on veut aller. Donc le fleuve est pratique, et il est encore pratique. Les Parisiens rendaient hommage, les notes de Paris aussi rendaient hommage au fleuve et à son importance, dont les fleuves ont du sens, pas uniquement aujourd'hui. Il l'avait dans l'Antiquité, et puis donc il y a ces centres commerciaux, ces hubs avant l'heure qu'on essaie de mettre en valeur. Il y a les centres politiques, il y a les centres culturels et il y a les centres économiques comme ça qui permettent de gérer ces territoires et de le connecter avec d'autres horizons et d'autres pays. Des chemins qui datent de la préhistoire, devenus des chemins gaulois, devenus des voies romaines, et ces mêmes voies romaines sont devenues autre chose après. Ah bon, bien entendu, à la période médiévale, certains s'empruntaient, à la période moderne, contemporaine, on retrouve ces traces, et c'est là la force aussi de l'archéologie préventive, quand aujourd'hui, pour construire une autoroute, on retrouve les traces des circulations plus anciennes. Ah, c'est ça qui est formidable avec l'archéologie, hein. C'est ce lien qui est fait sans cesse avec le passé, c'est cette compréhension de notre espace, c'est ce que l'on comprend aussi avec l'Atlas archéologique de la France Dominique Garcia, parce que là on arrive à se projeter, puis c'est toujours un atlas archéologique, on regarde sa région, on regarde et on voit qu'on est relié au reste du territoire, c'est cette magie de l'archéologie. Ils sont 44 enfants de 6e à venir une fois par semaine, soit le lundi, soit le jeudi, sur le site de fouilles de Latte. Passionnés par l'archéologie, ils vivent donc actuellement une expérience pédagogique intéressante. Ce sont des enfants qui sont tous volontaires et qui ont donc choisi de venir sur le site, malgré, vous le voyez, quelquefois des conditions atmosphériques assez défavorables. Ils sont en train de décaper, vous le voyez peut-être là, un niveau du 2e siècle après Jésus-Christ. Mais il est bien évident que le site de Latte est un site inépuisable, puisque on a réussi à relever une stratigraphie qui s'étend sur plusieurs millénaires. Autrement dit, il est certain que chaque fois que des élèves viennent fouiller, ils vont trouver quelque chose. Ah bah c'est formidable ça. À chaque fois qu'on fouille, on trouve quelque chose. C'est la présentation du chantier école de Latte. On vient d'entendre Maurice Soulier qui nous présentait ce chantier école dans le JT de Montpellier. C'était en 1980. Dominique Garcia, il y a ici quelque chose de très fort dans l'idée que on tend la main à la jeunesse qui va chercher ce qu'il y a le plus loin dans le passé. L'archéologie, ça s'apprend, on fait pas n'importe quoi. Ça s'apprend, moi j'ai commencé très tôt, effectivement, on commence par des choses faciles. On le disait tout à l'heure, l'objet automatiquement, on ramasserait, on se baisserait, on le frotte à son pantalon, on fait fonctionner tout simplement, que l'on soit un enfant ou un grand chercheur, on essaie de trouver des comparaisons et puis comme ça d'interpréter. Le chantier de Latte est un chantier important qui avait été lancé par un instituteur, ancien résistant, Henri Prade, qui aurait eu, je crois, cette année 101 ou 102 ans. Et donc l'archéologie permet ce qu'on appelait naguère l'éducation populaire. Aujourd'hui, on appelle ça le AC, c'est-à-dire ce contact direct, en plein air, avec des objets, avec son histoire, avec de l'action aussi. On fouille, on trouve, on révèle, on partage. L'archéologie, c'est un travail d'équipe, on ne peut pas le faire seul pour remuer des volumes de terre, mais aussi pour interpréter. L'archéologie, comme on l'entendait là, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de différentes générations, c'est quelque chose qui révèle. Latte était le port de Montpellier, un port gaulois, un port romain qui était totalement inconnu. Et il a été révélé dans les années 60, au moment où toute la zone autour de Montpellier s'est été construite avec l'arrivée des pieds noirs, l'arrivée de migrants, le développement économique de la ville de Montpellier. Donc vous voyez, là aussi, c'est l'histoire contemporaine qui fait ressurgir le port de Jacques d'Aragon, le port des Romains, le port gaulois, le port étrusque de Latte. Donc cette histoire comme ça, empilée, qui refait surface. C'est l'histoire des sites, et c'est aussi quelque chose qui me semble important, l'histoire intersite. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des endroits où il y a des murs, il y a des endroits où il y a des morts, il y a des endroits où il y a des objets, puis entre, il y a des champs, entre, il y a des carrières, entre, il y a des sanctuaires. Et donc aujourd'hui, mettons, quand on fouille sur des grands linéaires, sur des autoroutes, sur des tracés de gazoducs, sur le grand canal Seine-Nord-Europe, on arrive, nous, des spécialistes, des gens qui travaillent en géomorphologie, en pollen, à restituer les paysages, à voir comment ils ont été impactés, comme l'on dit aujourd'hui, par les populations passées. Et donc, ça nous donne à réfléchir aussi sur la manière dont on transforme l'environnement. L'archéologue ne fouille pas uniquement dans les grottes au milieu des murs, mais fouille aussi ce qui a été touché, bougé, transformé par l'homme, c'est-à-dire les paysages dans lesquels aujourd'hui nous sommes appelés à habiter et à les voir se transformer. Ah ben moi je trouve ça fascinant de comprendre l'espace dans lequel on vit. Et le problème de l'archéologie, c'est que c'est fascinant. Alors fascinant parce que il y a le fantasme un peu désuet du trésor, et puis il y a le plaisir de la découverte, même de la petite chose. Et c'est ça aussi qui fait beaucoup de mal à l'archéologie parce que arrivent ici les pillards. On peut rappeler, Dominique Garcia, où on en est de la juridiction concernant l'utilisation des détecteurs de métaux et toutes ces choses-là? Alors, bien entendu, l'archéologie est quelque chose aujourd'hui qui est cadré. Pour faire des fouilles archéologiques, il faut avoir une autorisation qui est délivrée par la préfecture après un examen scientifique par le ministère de la Culture et même des commissions interinstitutionnelles qu'on appelle les CETERA qui organisent ce chantier, donc on peut fouiller. Ensuite, sur ces gens qui ont des autorisations pour fouiller, des professionnels et quelques amateurs qui ont l'expérience pour fouiller, constituent des chantiers. Dans ces chantiers, il y a des équipes. Dans ces équipes, il y a des professionnels, il y a des amateurs, il peut y avoir des étudiants, il peut y avoir des enfants, on l'a entendu. Donc l'archéologie est quelque chose d'ouvert. On accueille des gens, voilà, on parlait tout à l'heure de Bibracte où il y a un chantier école pour enfants, des structures de ce type-là existent. Donc l'archéologie est un espace ouvert. En revanche, les documentations, la documentation archéologique est un bien non renouvelable. Par définition, les monnaies gauloises, par définition, les bracelets celtiques, on ne pourra plus en fabriquer. Il y a des ressources qui sont limitées. Et depuis quelques décennies, se sont diffusés ces détecteurs de métaux qui servent à retrouver la bague perdue par la fiancée, mais qui peuvent aussi permettre de trouver ces sites archéologiques. Lorsqu'on trouve ces objets, on détruit des sites, et donc là, bien entendu, fouiller avec un détecteur est quelque chose sans autorisation qui est préjudiciable au patrimoine, dont préjudiciable à tous. C'est très important de le souligner. C'est nous tous qui sommes concernés à ce moment-là, quand quelqu'un se balade avec ses détecteurs de métaux. Merci vivement à vous, Dominique Garcia, de nous avoir présenté cet atlas archéologique de la France. C'est publié chez Talendier et l'INRAP, INRAP Édition, avec, je vous dis, c'est révisé notre histoire, mais en plus, il y a les images et la reconstitution, la restitution de ces sites du passé. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, donc Avimar Briron, 14 collègues, des femmes et des hommes, qui partout ont essayé comme ça de raconter une histoire pour tous. Merci. Et bien vous la racontez bien. Merci beaucoup Dominique. Et quant à nous, il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi brûlait-on le Père Noël? Le dimanche 23 décembre 1951, sur le parvis de la cathédrale de Dijon, des ecclésiastiques n'hésitèrent pas à brûler l'effigie du Père Noël pour protester contre une coutume venue d'outre-Atlantique et qui était issue, selon eux, d'un rituel païen. Ce fait divers intrigua fortement l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, à tel point qu'il lui consacra une étude publiée en 1952 dans la revue de Jean-Paul Sartre « Les temps modernes ». Il part du constat que la croyance dans l'origine païenne de la fête de Noël a été alimentée par les historiens des religions et par les folkloristes. Ces derniers ont montré en effet que ce qu'on appelait au Moyen-Âge la fête des fous était un lointain prolongement des Saturnales de l'époque romaine. À l'issue de ces festivités, le peuple élisait un pape des fous, appelé l'abbé de Liesse. Les enfants, déguisés en morts vivants, se déplaçaient en bande de maison en maison, chantant et faisant des vœux en échange de fruits ou de gâteaux. Cette tradition médiévale a subsisté jusqu'aujourd'hui lors de la célébration de la Saint-Nicolas le 6 décembre. Pour honorer cet évêque du VIe siècle qui, selon la légende, avait sauvé des orphelins d'une mort atroce, le personnage incarnant Saint-Nicolas distribue aux enfants des cadeaux et des friandises. Bien que cette coutume soit encore vivace aujourd'hui dans de nombreux pays, elle a été progressivement supplantée par la fête de Noël. Pour Claude Lévi-Strauss, si l'on peut effectivement considérer l'abbé de Liesse comme l'ancêtre du Père Noël, il existe néanmoins une différence essentielle entre les deux personnages. On parle du Père Noël, car c'est un vieillard avec une barbe blanche qui incarne la forme bienveillante de l'autorité des anciens. Alors que l'abbé de Liesse incarnait la jeunesse par opposition aux adultes, le Père Noël apparaît donc comme le symbole de l'âge mûr. Les adolescents ouvertement agressifs du Moyen-Âge ont été remplacés, ajoute Lévi-Strauss, par des parents se cachant sous une fausse barbe pour combler les enfants. Le constat de cette inversion dans le rôle joué par les deux personnages conduit l'anthropologue à critiquer ceux qui ne voient dans la fête de Noël que la survivance des rituels païens. Selon lui, les origines n'expliquent pas tout, car pour qu'une tradition puisse se maintenir au cours du temps, il faut qu'elle remplisse une fonction qui transcende les différences de contexte ou de culture. Pour étayer cette hypothèse, Lévi-Strauss montre les points communs qui existent entre la fête de Noël, telle qu'on la connaît en France, et une fête traditionnelle pratiquée par les Indiens du sud-ouest des États-Unis. Elle met en scène des personnages costumés et masqués, appelés les Kachina, incarnant des dieux et des ancêtres qui reviennent régulièrement dans leur village pour y danser et pour punir ou récompenser les enfants. Lévi-Strauss en conclut que la fête de Noël est un rite de passage et d'initiation comparable à ceux qu'ont observé les ethnologues dans pratiquement toutes les sociétés humaines. Ces rites ont une fonction pratique, car ils règlent symboliquement les rapports qui relient les générations au sein d'une même société. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Noé Chabanne. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Viudet, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.